Vous croyez peut-être que je connais Sinistros que depuis 2005, soit lors de sa première apparition à l'émission. Eh bien non, nous nous connaissons depuis 1990, soit 28 ans. J'ai trouvé ce bizarroïde gobelin dans une grotte de Transylvanie alors que je faisais quelques fouilles sur le légendaire Vlad Tepeș, dit l'Empaleur. Par hasard, en déplaçant quelques broussailles et rochers, j'étais tombé sur une entrée de grotte et m'y étais aventuré. Quelle ne fut pas ma surprise à découvrir cette créature étrange, mais encore plus étrange était son comportement. Digne des ignorants, il écoutait des cassettes VHS d'enregistrement de Cinéquiz. Je lui avais alors dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là? Chose ignoble. Tu écoutes Cinéquiz, mais quelle horreur! Il y a bien mieux à faire que ça, voyons. Suis-moi, je t'apprendrai la science de la réanimation post-mortem, et peut-être que si tu ne m'emmerdes pas trop, est-ce que je te donnerai des petits gâteaux? » Le gobelin me suivit et depuis 7 ans, nous faisons des expériences de haute science, incompréhensibles et inadmissibles pour les mortels, bien sûr. Mais je peux vous assurer que jamais Sinistros n'aura mangé de petits gâteaux, parce qu'il n'a jamais cessé de m'emmerder. Et agir de la sorte, c'est possiblement lui qui finira en gâteau. C'est connu, les gobelets en chocolat sont délicieux. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque le docteur croit toujours qu'il a de l'espoir en son assistant et que l'assistant croit que l'espoir est un modèle de guitare Gibson. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause he and I said so. Let's go! Yeah. Je ne vous souhaite pas la bienvenue dans cette nouvelle édition de réanimation. Ce 24 avril de l'heure des disgrâces 2018, je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h avec mon comparse, ce gobelin de... Ah, la bienséance m'interdit de dire... Demi deux, c'est Mistros. Tu sais, là, quand tu m'as enlevé mon ciné-quiz, là... Oui. Mais t'étais gentil de me donner le cinéma de 5 heures en place. Ben, honnêtement, le cinéma de 5 heures était de bien plus grande qualité que le ciné-quiz. Il y avait des meilleurs films. Ben oui, on pouvait voir Jason les Argonautes. C'est clair. Jack le tueur de géants. Avec sa moustache, là, qui faisait des concours. Oui, Normand Choquette. C'est ça. Oui, qui faisait tirer des boîtes des boîtes de chocolat Vesta. C'était le bon temps, finalement. Oui, c'était le bon temps de pouvoir souper en compagnie de Normand Choquette. Oui. Alors, on vient d'entendre la fabuleuse voix de Michael Arkefeld. Non. Oui. Ben oui, t'as raison. Ben, j'ai tout le temps raison. Ben oui, c'est vrai. C'est pour ça que tu m'as engagé, finalement. Non. Je t'ai pas engagé. Ah non, c'est vrai. Je t'ai incrusté. Tu me subis, finalement. Oui, tout à fait. Puis tu fermes ta boîte, finalement. C'est pas pire. Un petit peu. Bloodbath avec le premier EP, Breeding Debt, et la pièce titre du EP qui est paru en 2000 sur Century Media. Mm-hmm. Où j'aimerais savoir juste le corps du vocal de Arkefeld. Ben, c'est gros. Hein, ça. Oui, mais tu sais ce qu'il y a un vocal extraordinaire, ce gars-là, non, à tous les niveaux. Là. Autant clean que. Oui, mais tu sais ce qu'il a dit à un moment donné en entrevue par rapport à Opeth, qui sont devenus beaucoup moins avec un aspect death metal. Il n'y a plus de métal, finalement. Ben, de moins en moins, ouais. Oui, j'en conviens. Il a dit j'ai pris une tangente qui était. Ben, de toute façon, il trippait beaucoup plus progressif. Les King Crimson et compagnie. Exactement, oui. Il a dit je voulais prendre cette tangente-là, mais aussi, il dit il ne faut pas perdre de vue une chose. Là, partir en tournée là, puis chanter avec du growl tout le long, là, ça peut être dur pour la voix. Moi qui voulais faire la tendance entre les voix plus belles et les voix plus. C'est clair qu'après. Je suis en train d'en perdre une. Là. Après 60 shows, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais, fait que je le comprends. Par contre, il a été bien remplacé par Nick Holmes. Ouais, effectivement. Ouais, oui, je trouve qu'il fait un très bon job avec très eux. Bon oui. At the Gates avec At War with Reality qui est paru sur l'album éponyme At War with Reality qui est paru en 2014 également sur Century Media et At the Gates qui s'en viennent avec un nouvel album en 2018. Ben, je souhaite qu'il soit aussi bon que la trempe, oui, parce que moi, honnêtement, c'est pas mal le seul que j'ai vraiment apprécié. Ben, disons qu'ils ont monté à coche. Tu sais, quand ils ont effectué le retour, c'était un petit peu moins Swedish, d'être mélodique. Ouais, un peu ils ont donné une coche un peu plus. Parce que pour reprendre une des grandes paroles que tu as déjà dit, mélodie et death metal ne vont pas ensemble. Exactement. Ouais, je le redis encore. Puis on a eu Abbat avec son projet maintenant rendu solo. Abbat qui a laissé tomber Immortal avec une saga. C'est terminé? Ben Immortal, ils sont juste deux maintenant. Ils vont faire un album qui sort au mois de juin. Mais Abbat a vraiment quitté Immortal? Ben d'après moi, ils l'ont mis dehors. Ah t'sais. Oui? Oh, ouais, ça a fait une saga judiciaire digne du Journal de Montréal. Là, c'est épouvantable. Je suis tellement le black metal. Oh, c'est ça. Alors Abbat avec la pièce Winterbane qui est parue sur l'album éponyme Abbat en 2016 sur Season of Mist. Ben tu vois ça, Immortal, c'est un des groupes black metal que j'ai toujours pu supporter. Ben, Abbat, c'est pareil comme Immortal, c'est la même affaire. Là. C'est mais même son, c'est même... J'ai pas tenté d'aller faire d'exploration là-dedans. Bon, je sais, toi, t'es le black metal, c'est tout ça. Toi, t'aimes ça un peu plus gris, mettons. Là. Non, moi, j'aime ça plus dégoulinant, plus oui, gras. C'est plus... ce soir, à l'émission, c'est la présentation des albums marquants réciproquement entre Sinistros et moi. Ça va clore l'émission de ce soir. En ce qui me concerne, c'est un album des Grecs de Septic Flesh, Communion. Et pour Sinistros... Ah oui, je m'assume. Oui, tu fais bien parce que moi, je t'assume pas du tout. Ah, ben, c'est pas grave, ça. Je suis pas là pour ça non plus. Puis c'est quoi, dis-le donc? Non, je suis gêné. Et ça sera des Flappers avec l'excellent Iron. Vas-y, je te laisse. Iron Drive. Ben oui. On va bien rigoler. On va se faire foutre, connard. Ben, tout à l'heure, allègrement, d'accord. J'en conviens. C'est aussi la troisième portion de l'évolution métallique selon Sinistros. qu'est-ce que tu veux dire, là, toi? J'en ai aucune idée. J'aurai une présentation d'une formation montréalaise. Donc, on a fait une petite incursion il y a de ça quelques semaines, Trinity Blast, avec une nouvelle pièce. J'en parlais tout à l'heure, mais je trouve ça vraiment très bien. On va aller en pause publicitaire. Allons-y. Et tout de suite après, ben ça va être la présentation du bloc qui va probablement nous faire perdre tous nos auditeurs. Ouais, mais ça va être une aventure quand même, comme j'ai expliqué sur le poster. Oui, tout à fait. Oui. On se retrouve. 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Le prétexte, c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. We're back. Bon, comme je le disais avant la pause publicitaire, qui était, ma foi, fort délectable, n'est-ce pas? Hein? Non, on la réécoute-tu? Non, c'est une demi-heure. J'ai pas le temps. OK. Le bloc que je vous propose dans quelques instants... Il risque de faire fuir beaucoup de téléspectateurs, hein? Oui, définitivement. Et surtout les téléspectateurs qui aiment beaucoup le métal, ben, parce que là... Ceux qui aiment le UHF aussi, ça va être... Oui. Le AM aussi, peut-être, là. Oui, oui. Ben, tous ceux qui aiment Télé-Québec, ben, ça n'existe plus. Bon. Non. Un bloc, je dirais, à forte connotation industrielle, avec trois formations qui m'apparaissent être des étendards de ce genre, dont deux formations canadiennes. Tu es en train de me dire que tu vas mettre de la musique avec des synthétiseurs, là? Ça se pourrait. Ah non? Ouais. Pis, mais que va-t-on faire? Mais écoute, je te dirais même, à quelque part, dont au moins deux des trois groupes, avec des synthétiseurs, généralement, ou à peu près juste ça. Non, pas oui. Des synthétiseurs. Non, non, là, ça n'a pas de bon sens. Les affaires qui font pom-pom-pom. Docteur, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis complètement... Bon, c'est pas vrai. Mais je suis pas tombé sur la tête. Je suis toujours tombé sur la tête. OK, c'est bon. Mais Sinistros et moi adorons l'industriel. Moi, ça, nous sommes tombés sur la tête tous les deux. Ben moi. Oui, sur la même tête d'ailleurs. Donc, on va entendre les formations Frontline Assembly de Vancouver, originellement de Vancouver, avec une pièce tirée de l'album Millennium qui est paru en 94. Ministry de Chicago, avec le troisième album, mais le premier qui mettait, je dirais, un enfant sur l'enfance un peu plus le côté éveillé. Oui, c'est ça, définitivement. Puis tu as mis ma pièce préférée. Je suis reconnaissant. Ah ben, tu vois, c'était même sans le savoir. Donc, je vais la changer immédiatement. Essaye pas. Ainsi que ma formation fétiche du genre, mais la formation que je préfère dans tous les styles, Skinny Poppy, originalement de Vancouver aussi, avec une pièce tirée de leur sixième album. C'est qui pas est bon, ça, Skinny Poppy. Ben, tu peux t'en aller chez vous. tout de suite, allons-y avec Front Assembly et la pièce titre de cet album, Millennium. Let's go. Ben, restez avec nous quand même. Hein. Oh, ouais, partez pas, là. On s'en fout pas mal. We'll be right back. C'est rare, mais cela peut causer des hallucinations bizarres, en général suivies par des convulsions. Sauf que cela commence par un conflit ou une culpabilité qui conduise le patient à croire que son corps a été envahi par, disons, une force occulte. Occulte. Occulte. Occulte. Stylus de strophe, nous dit. h 45, j'espère que ça vous a plu. Ben, c'est un peu ironique ce que je dis. Moi, j'espère que ça vous a vraiment déplu. Oui, dans le fond, oui. Hein? Oui. Parce que nous autres, ça nous a franchement plu. Ah oui. On vient d'entendre la formation, originalement de Vancouver, Skinny Puppy, une formation qui existe depuis 1982. Hein? Quand même! Hey, c'est des pionniers dans le genre. De 82-95, ils ont pris une pause pour reprendre en 2003. Initialement, c'était un trio. C'est devenu un duo. C'est redevenu un trio. C'est devenu un quatuor. C'est redevenu maintenant un duo. Le cœur du groupe sont juste deux. C'est deux. C'est Nivek Ork et Seven Key. C'était la pièce Tormentor qu'on retrouve sur Two Dog Park, leur sixième album pendant 90, le 30 octobre, précisément sur Network. Très bon album de Skinny Puppy. J'entends les gens rire, là, mais bon. Probablement, tu les entends pas? Moi, je les entends clairement. Ah, bien oui! mais ils sont pas tous bons, les albums de Skinny Puppy. Pas tous. Mais majoritairement. Majoritairement, ouais. Oui, mais sur les albums qui sont moins bons, il y a quand même de bons éléments. Tout à fait, absolument. Juste avant, de Chicago, Illinois, Ministry! Ministry qui a une histoire relativement complexe, formation qui existe depuis 1981, qui a donné dans les premières années avec les albums With Sympathy, Switch, et Twitch, c'est-à-dire, et ainsi les singles Everyday's Halloween, des choses comme ça. C'était du New Wave, c'était, ouais, c'était pratiquement du dance music, carrément, dans le New Wave. Mais avec cet album, dont j'ai présenté un extrait de Land of Rape and Honey, qui était leur troisième, paru le 11 octobre 88 sur Sire, Al Jorgensen, le leader du band, a dit « Ben, ça vient de s'éteindre, on va prendre un tournant un petit peu plus hard. » Ce qu'ils ont fait avec la pièce d'ouverture de cet album, Stigmata, qui semble-t-il la pièce préférée de Sinistros de Ministry. Oui. Bon. Absolument. Et nous avons ouvert avec une autre formation qui était originellement de Vancouver, Frontline Assembly, et Billy, bien sûr, Rice Fallbird. Billy, c'était le David Ogilvy de Skinny Puppy à leur tout début, qui est parti de son côté pour faire son propre projet électro-industriel sous le nom de Frontline Assembly. C'était un duo également. Il y a eu bon nombre de personnes qui se sont associées temporairement avec le groupe, soit au niveau du studio, soit au niveau de différents projets. Parce que ce qu'il faut savoir avec ces trois groupes-là, c'est qu'ils ont beaucoup de side projects et certains en commun. Oui, c'est ça. Ça joue tout ensemble. Oui, tout à fait. La pièce de Frontline était la pièce titre de ce huitième album Millennium qui est paru le 11 octobre 1994 sur Roadrunner. Il est 19h47. Avant d'aller à la pause publicitaire, je vous parle d'une formation que j'ai découvert il y a, j'allais dire quelques semaines, mais en fait c'est quelques mois. J'avais été contacté par leur guitariste, Frédéric Bergeron. Je parle de Trinity Blast et j'avais beaucoup aimé ce que je vous avais présenté cette première fois-là. Et la semaine dernière, non pardon, il y a 10 jours, Fred m'a réécrit pour me dire « J'ai une nouvelle pièce qu'on vient de faire en studio qui s'appelle Left Behind. » Donc, je l'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous la présenter ce soir. C'est présenté de façon indépendante. Et je crois que Sinistros me disait que c'est toujours Kevin Tall qui a fait l'enregistrement de batterie sur cette pièce-là. Et je vais simplement vous dire que, bon, j'ai toujours dit, moi, le heavy metal à connotation plus traditionnelle, c'est plus vraiment ma tasse de thé. Par contre, il y a des choses que j'apprécie encore beaucoup. Et il y a des groupes qui font encore ce genre de métal-là que je trouve qui sortent du lot, comme Trinity Blast. Donc, on va écouter immédiatement la pièce « Left Behind ». Let's go! Ah, moi, je trouve ça super bon. Pizza! Ah, c'est super bon. Puis, écoute, tu peux rire de moi, là, parce non, que c'est vrai que... Non, non, c'est vrai que... Non. Ben, écoute, avec ce qui va passer plus tard, je pense pas me ramollir, là, mais bon. c'est pas moi qui présente ça, des affaires, là, comme Judas Priest, là. Non, t'aimes pas ça, toi, Judas Priest. Pas bien, bien, non. Non. Non, c'est vrai, j'aime c'est vrai. Pas bien ça. Trinity Blast et Left Behind. Je vous invite à aller écouter cette pièce-là sur le trinityblast.bandcamp.com. En fait, vous allez retrouver sur leur Bandcamp à peu près tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, de près ce que je peux en voir. C'est un band qui a un calibre très professionnel. Ça sonne. La production est extraordinaire, mais le musicianship du band est très bon et je pense sincèrement que c'est le genre de groupe qui pourrait faire une carrière facilement internationale dans le genre je dirais plus heavy metal traditionnel, mais avec un son quand même assez assez moderne. Oui, tout à fait. Donc j'aime beaucoup ça. Félicitations les gars, c'est vraiment un très beau travail de composition et très beau travail de production aussi. 19h53, Sinistros, on va aller tout de suite en pause avant que tu nous présentes ta troisième partie de l'évolution métallique, oui. Selon toi-même. Selon juste moi. Juste toi. Ouais, moi, j'invente des affaires, moi, fait. Vous voyez ça, j'ai cru voir ça par les dernières semaines, effectivement. On revient. Les amateurs de musique blues, écoutez Train Blues Assez Fou le jeudi 19h. En compagnie de mes collaborateurs Steven Hubert et Nice Bourgeois, ainsi que du bluesman de réputation internationale Paul Deslauriers, chaque semaine nous vous ferons vivre la musique blues de ses origines au blues aujourd'hui. Palmarès, histoire du blues, découvertes, discussions et entrevues sont au menu de Train Blues Assez Fou. Une émission réalisée par Patrick Boucher, animée par Denis Baudin. Soyez des nôtres le jeudi 19h pour 3 heures de blues. Train Blues Assez Fou, à l'antenne de C'est Fou, 89.1 FM. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est fou de fou! 89.1. Bon, avant que tu commences ton petit laïus là, qui est rempli de mensonges et de mensonges? Ben, d'inventions, disons. OK, d'inventions. Il faudrait qu'on se rattrape parce qu'on était encore fort impoli. T'as raison, pauvre Horace. Ben oui, Horace. Il n'est pas content. Non, je sais. Non, mais on l'oublie tout le temps. On l'oublie tout le temps. Horace, tu nous pardonnes-tu? Oh, il n'est pas pire. OK. On le fera plus. Ça semblait pas mal la première phrase, mais je suppose que tu as raison. Aïe. Toi, grand-mère, qu'en penses-tu? Elle est pourrie. Bon. On avait vraiment une vraie grand-mère. On avait la soeur de la grand-mère. On avait vraie grand-mère ici, puis bon, ça colle à voir. Elle voulait pas parler. Bon, anyway. Ceci étant dit, Sinistros, tu nous présentes ta troisième incursion. Ben, pas incursion, mais ton troisième volet. Mon troisième plongeon, effectivement, oui. dans cette évolution métallique qu'on est encore staché en 1975. Ben, tu t'attendais à quoi, toi, là? Ben, est-ce qu'on reste staché en 1975? Oui, ben, c'est passé beaucoup de choses dans les années 70. Ben, c'est parce que là, le boom du métal, il s'en vient, là, tu sais... Avec les trois prochaines formations, c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté de quelque chose. On a entendu les Black Sabbath, on a entendu les Deep Purple, Lucifer's Friend et compagnie. Là, on tombe dans le un peu plus pur et dur. Là, ça s'en vient tranquillement. Là. Ben, ça se définit qu'on parle ici de véritable hard rock, là. Oh ouais, très métallisé. C'est quelque chose de beaucoup plus solide, oh là, ouais. Puis avec des chanteurs, avec des voix encore plus puissantes, puis avec des, ouais. Tu sais, ça sent... Ouais. T'sais, ce que Ian Gillan avait laissé, ça commence à prendre forme. Là, on a Rainbow avec Richie Blackmore, qui était ex-Deep Purple, qui avait recruté le chanteur de Elf. Ben oui. Le chanteur de Elf qui jouait depuis un certain nombre d'années, depuis 1964 ou 65, dans des groupes un peu plus yé-yé. Oui. Mais à un moment donné, le bonhomme, il a décidé que, bon, on va prendre le taureau par les cornes, puis on va faire des... Puis j'espère que je me trompe pas de bord, tu sais. Ouais, j'espère que je me trompe pas de bord, effectivement. Ronnie James Dio, éventuellement, qui est devenu comme le grand-père du métal. Beaucoup de gens pensent que c'est Ozzy, grand-père du métal, mais en réalité, c'est vraiment Ronnie James Dio avec tout le all fit, tout le côté un peu plus occulte avec les signes des horns. On lui attribue le signe du horn qui, semble-t-il, n'est vraiment pas un signe satanique, mais bien un signe de protection. Protection contre les démons, c'est sa grand-mère italienne qui faisait ça. Tout. Rainbow avec le premier album, Richie Blackmore's Rainbow avec l'excellente et très, très, très, très, très culte Man on a Silver Mountain. C'est une excellente pièce. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Mais je suis très content, moi, par contre, que Richie Blackmore se soit révisé par la suite pour que le band devienne seulement Rainbow, parce que je trouve que c'est très prétentieux. Très prétentieux. Mais ça va avec le gars, là. Mais c'est revenu comme ça, là, en 2018, là. C'est le Richie Blackmore's Rainbow avec un paquet de Nowhere. Okay. C'est encore lui qui est le centre d'intérêt, mais. Au petit pit, là. Ouais. Ça fait longtemps que t'as pas compris que t'es fini, là. Ben, le problème, c'est qu'il y a encore probablement beaucoup de talent, Richie Blackmore, mais c'est quelqu'un qui est pas capable de conserver les gens autour parce qu'il est trop exécrable. Trop imbu de lui-même. Oui, tout à fait. On va avoir Judas Priest. Ben oui. Judas Priest avec... Excellent choix de pièce. J'ai pas choisi le premier album parce que le premier album était beaucoup trop plus... hard rock, côté classic rock un peu, oui, c'est les bars. Absolument. Avec Sad Wings of Destiny, là, Judas Priest s'est rentré beaucoup dans le phase pré-metal. Mm-hmm. Là, oui. Puis, probablement Judas Priest qui a vraiment mis le heavy metal comme on le connaît, comme sur la map. Je serais pas tel croire. Dans le fond, là. Oui. On va voir la pièce Victim of Changes. Très bonne pièce, un ami. Mais en fait, c'est ma pièce préférée. Il me semblait que tu n'aimais pas ça, toi, Judas Priest. Ben, j'ai dit que j'aimais pas tellement ça. J'aime le vieux Priest. Oh, le vieux. Ouais. On va voir la formation Riot, formation américaine qui a réellement amené le métal américain où ce qui est là présentement. Ça a été comme une genre de révélation dans ces années-là. Ben oui. Avec le premier album Rock City, la pièce Warrior. Mm-hmm. On va y aller tout de suite en où musique, ça? Puis sur les traces du heavy metal. Oh, il est poétique en plus. Bon, ben. Allons avec Rainbow, Man on a Silver Mountain. Let's go. I'm she was wonderful. Once she was fine. Once she was beautiful. Once she was mine. Anymore. Now changes come over her body. She doesn't see me anymore. Yeah. Ah ben c'était vachement yéyé ça. Très yéyé, oui. C'est les débuts de jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Non, c'est quand même correct. Moi j'aime bien Riot. Oh oui, excellent. Riot V ou Riot 5 aujourd'hui. Oui, ben oui, pourquoi non? Ben c'est parce que l'histoire est que la majorité des membres fondateurs, ben, sont tous morts. Donc c'est une nouvelle. Ben c'est dans le fond ceux qui sont greffés okay, ouais, au groupe avec les années, puis ils trouvaient ça, tu sais, vu que le principal membre fondateur ouais, ouais, ouais, est décédé. On va mettre une démarcation. Ouais, c'est ça, okay, c'est ça, exactement. Ça reste le même band pareil. C'est pas, non. Riot avec la pièce Warrior qui était parue sur le premier album Rock City qui est paru 10 novembre 1977 sur Firesign Records. Un très bon album. Ben, ça donne vraiment l'emphase de ce qui s'en vient. Ouais, ouais. Avec les albums Fire Under, Narita, tout ça. C'est comme une puissance de frappe, une vitesse de croisière qui est assez, c'est rapide. Là, ça, oui, des oui, bons riffs, des solos, de la mort. Ben. Oui. Judas Priest avec Victim of Changes sur Sad Wings of Destiny qui est un album très culte. Très belle pochette d'ailleurs. Oui, oui, je pense que c'est une de leurs plus belles pochettes. Non, définitivement, c'est la plus belle, oui. Paru en 1976 sur Gull Records et on a eu Rainbow avec le duo Richie Blackmore et Ronnie James Dio. Avec Man on the Silver Mountain qui est paru sur le premier album Richie Blackmore's Rainbow en 1975 sur Polydor. Très bon album, très bonne pièce aussi. Ça a été. Richie Blackmore a eu une très bonne idée d'aller recruter Run James Dio. Ouais, disons que. C'était le chanteur que ça lui prenait. Puis on s'entend qu'après Rainbow, ben, Run James Dio il est allé rejoindre la bande à Tony Iommi. Ben oui, ben qui oui. a monté d'une coche le côté métal. Ben écoute, c'est lui qui, d'une certaine façon, qui a sauvé Black Sabbath. Oh, effectivement, avec Heaven and Hell. Mob Rose, Live Evil, plus tard en 94 ou 95. Je suis plus certain, là, il revenait avec The Humanizer, ouais, qui est un album qui est boudé pour plusieurs amateurs de Sabbath, alors que moi, je le trouve très bien, cet album-là. Là, mais non, c'est, écoute, c'est un chanteur qui a marqué définitivement la scène du hard rock et du metal, Run James Dio, qui malheureusement est décédé trop jeune. Là. Ah oui. Et mais alors, selon vous, la partie 4, qu'est-ce qu'on risque de voir dans ces années-là? Qui est très important. Ben écoute, il y a plusieurs options, mais... Une grosse option? Mais, sais-tu quoi? Ce que j'aime, c'est de ne pas le savoir. OK, je te le dirai pas de bord. J'aime pas le savoir, comme ça permet de plus rire, de rire plus facilement. Oui, t'as raison, mais là, tu ne riras pas ce coup-là. Non. Je te garantis. Je t'envie de rire, par contre. Moi, j'ai rien qu'à dire Rick and Baker, puis tu riras plus. Ah, je pense que j'ai une idée. Ah, tu viens de le trouver, là. Hein? Ouais, ah, ouais. Ouais. Je pense que tu parles de Paul McCartney dans c'est Waze. C'est ça, t'as tout compris. Il est 20h18 à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, pour encore, ma foi, presque 39 minutes maintenant. 39 très longues minutes. Pour oui, vous. Voilà. Je vous parle un peu de cinéma et de séries télé, comme je le fais à l'habitude. Premièrement, ce que vous devez savoir, vous, amateurs de super-héros, ben, c'est ce vendredi que tombera en salle Avenger 3 Infinity War. T'as l'air content, toi? Oui. Est-ce que t'as aimé le dernier Avenger? Oui. On s'est mis à écouter Homecoming de Spider-Man. Qu'on n'avait pas vu, c'est comme irk. Pourri. Ben, pourri! T'as raison! J'ai vraiment pas aimé ça. C'est un film pour ado, finalement. C'est comme... Écoute, il y a trop de spin-off avec Spider-Man. Lâchez-le, là. Ouais, c'est, non, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas de droit encore dessus de Marvel n'a pas mais de droit. Là, donc, parce que, tout le monde ce qui est arrivé, droit, c'est là. Que là, Disney, ils viennent de racheter Fox. Ah non, Disney. Et hey, qu'arrête, eux fait autres. Là, en rachetant Fox, ils ramassent toutes les licences des 4 Fantastiques, ben, de Deadpool oui. et de les X-Men. Qu'est-ce que tu penses que ça en vient? Mickey Mouse All the Way. T'en plains ça. Mickey ben Mouse, oui. c'est un Avengers. Ben oui. Ben oui. Non, mais écoute, ils sont en train d'infantiliser tout, toi. Ouais, Disney, c'est un peu dommage. Tu sais, ils m'ont massacré. Ben, massacré, c'est un grand terme, mais ils m'ont. Ils m'ont magané mes Star Wars. Pas tant que ça. Oui. Non. Oui. Bon, changeons. Ben, j'ai réécouté The Last Jedi il y a 2 semaines. Je t'avoue que je l'ai trouvé meilleur que la première bon, okay. fois. Il était plus goûteux. Mais ça, c'est quand même Walt Disney, là. Ça va faire. Bon. Mais oui. Anyway, Avengers 3 est en ligne, que je te raconte là, moi, en salle ce vendredi. De ce que j'ai écouté au niveau film proprement dit, ben, c'est un film de Nikolai Fulkulski. T'as de la misère à le prononcer. Soyez le nombre de consonnes alignées. Ça, c'est comme dit Apocalyptic Narrator. C'est aussi difficile. C'est un film qui met en vedette, on parlait de super-héros, Chris Hemsworth. Oh. Thor. Ainsi que Michael Shannon et Michael Pena. Michael Pena, là, t'as-tu vu la série Narcos? Oui, mais ça dépend, saison 1 seulement. J'ai pas vu les autres. Dedans. OK. Bon, c'est celui qui a le moustachu. Là. Voilà. Oh, oui. Le film porte le titre de 12 Strong, qui est un film de guerre qui raconte la riposte, mais une drôle de riposte, des Américains après l'attaque du 11 septembre envers les talibans. Ce sont 12 hommes de l'armée américaine qui sont dépêchés pour se joindre à un général afghan qui, lui, combat les talibans depuis qu'il est... Tout petit. Après, oui, il a 16 ans quand il commence à combattre. Et c'est un fait réel, là. C'est historique, le film. C'est vraiment, vraiment très bon comme film. Est-ce que tu avais vu Black Hawk Down? Ça me dit rien. Non, bon. Black Hawk Down, c'est un film du début des années 2000 qui est vraiment très bon. Film de guerre vraiment excellent encore de façon historique. Celui-là, il est pratiquement aussi bon que ça. J'aime les films de guerre au départ, là. Pas parce que, comme je le répète, pas parce que j'aime la guerre, mais parce que j'aime l'histoire qui vient avec. C'est vraiment très, très bon comme film. Beaucoup d'action, très peu conventionnel, historiquement parlant, où ce qu'on a on s'entend, là. C'est de l'année 2000, là, cette guerre-là, là. Donc, ça date pas de la guerre des Boers. Des charges à cheval contre des chars d'assaut. C'est le vrai? Oui. Écoute le film, tu vas comprendre le contexte, pourquoi, c'est vraiment bien. Et ma crainte était, j'avais deux craintes, que Chris Hemsworth, je ne puisse pas me sortir de la tête, c'était tard. Non, pas du tout. Il est capable de vraiment camper autre chose. Il est très chose. Bon dans le rôle du cheval, finalement. Il joue le rôle de fusil. Ah, OK. Bon, le cheval, c'était Michael Pena. et ma deuxième crainte était que ce soit un film très patriotique. Ouais, très American. Là. Non, vraiment cet aspect-là. Donc, c'est très taliban, finalement. C'est ça. Donc, on présente les choses comme elles se sont déroulées le plus fidèlement possible, d'après ce que j'ai pu croire. Donc, c'est un bon film, 12 Strong. Mon highlight de la semaine, c'est la série de Terror. Série d'aventures, d'horreur, à connotation historique aussi, qui met en vedette Jared Harris, Tobias McKenzie et Clarion Hines, et qui raconte l'histoire de deux bateaux en 1845, qui sont des bateaux de la marine royale britannique qui doivent trouver un passage pour la Chine et les Indes. Et selon eux, doivent passer par... Le fleuve Saint-Laurent. Pas vraiment, non. Il y a eu moins de misère, d'après moi. Par le Grand Nord. Ouais. C'est-à-dire le Nunavut et compagnie. Ça vous être un peu difficile. Surtout à l'époque, il y avait juste un petit peu plus de glace qu'aujourd'hui. Hein? Écoute, ce qui est vraiment bien dans l'histoire, c'est qu'on nous présente la série dès le départ en disant que l'équipage avait ce qui était le plus avancé comme technologie à l'époque. Et le premier bateau qui s'appelle La Terreur, justement... est un bateau, oui, à voile, mais à hélice, et il est brise-glace, en 1845. Fait qu'il sort avec deux petits couteaux, mais... Oui, il y a deux petits trous en avant, puis il y a deux mains qui sortent avec des petits pics. Et évidemment, ils sont pris dans les glaces, parce qu'il y avait mal calculé la saison qui est dite hivernale, qui est pas mal tout le temps ça, finalement. Là. Ils sont pris dans les glaces, les bateaux sont pris sur le camp, le poids commence à se déporter, ils doivent commencer à penser à dire on va hiverner ici, mais l'hiver dure combien de temps? Et il y a une créature mystérieuse qui commence à les décimer et qui s'avère être... Je veux pas vraiment donner de teaser parce que la série est excellente, elle vaut la peine d'être écoutée, mais on a une affaire de chaman Inuit avec ça. Et à travers ça, c'est la distinction entre les équipages, les officiers... Les mutineries, la famine, l'intoxication au plomb, parce qu'il y avait des boîtes de conserve à l'époque qui étaient soudées au plomb, le manque de nourriture, bref, c'est un excellent série, c'est 10 épisodes d'environ 55 minutes, ça coûte super bien, et graphiquement, c'est génial. Je vous recommande vraiment le Terror, et elle se conclut de façon à ce qu'il pourrait, possiblement, pas avoir de suite, ce serait parfait. Donc, moi, j'aime bien l'aspect de dire, surtout au jeu de tuer ça. On n'en parle pas, c'est ça. Bon. Bref, c'était cela. Musicalement parlant, notre ami Sinistros nous présente son album marquant qui... Je me rappelais pas c'était ça. Non. Ah non, pas Jamie Lou. Ben, je te laisse aller. Eh bien oui, j'ai choisi Def Leppard parce que je sais que t'en passes pas. Non. Bon, pour moi, Def Leppard, ils ont fait 3 albums. Ça s'arrête là. Ben, pour moi, Def Leppard, ils en ont fait 2. Ouais, t'as pas aimé Pays Romagna, toi, finalement. En tout cas, c'est une autre histoire. En tout cas, on en débattra un autre jour. Ouais, si on a le temps. Disons que pour les besoins de la cause, les deux premiers albums sont quand même très excellents. On Through the Night et le deuxième, Iron Dry. Moi, j'ai choisi Iron Dry parce qu'il y a plusieurs pièces là-dessus qui m'ont vraiment frappé. C'est un peu plus métal aussi. Ben, c'était pas mal plus British of... New Wave of British. Mais quoi qu'ils se sont... Ils ont toujours renié le fait d'être un groupe métal. Hein? Ils ont toujours été insultés de dire qu'ils étaient associés au métal. Ouais, ben, à ce moment donné, c'était très hard rock, métallisé. Mais c'est sûr qu'ils ont vite changé de style. Surtout quand que Rick Allen a fait son accident, que il s'arrache son bras. Patati, patata. On passe 4-5 ans sans faire d'album. On revient, ben, on est quasiment disco. Ben là, c'est un autre... Ben, écoute, ils ont été attirés par la pas du gain. Là. Ben oui, tu sais, il y a un autre groupe qui s'appelle Metallica qui a fait le même genre de niaiserie. Là, fait que c'est ça. Ça, on pourra en parler longtemps. Mais ceci est une autre histoire. Oui. Alors, j'ai choisi Iron Dry parce que c'est l'album le plus complet, surtout sur le travail des deux guitaristes, Pete Willis et Steve Clark, avec des échanges de guitare et des riffs assez complexes. Puis un côté de composition assez... spécial pour l'époque, tu sais, on n'avait jamais vu un genre de trip de même. Mm-hmm. Fait qu'on j'ai choisi les trois pièces les plus marquantes de l'album, Let It Go, High and Dry, puis No No No, qui est ma pièce préférée à vie de Def Leppard. Ah oui. Mais sur la courte vie de ce que je connais de Def Leppard, là, okay. Sur les trois premiers albums. Fait que c'est paru en 1981 sur Vertigo. Allons-y tout de suite avec Let It Go. Let's go. We'll be right back. Wow! C'est le fun, hein? C'était correct. Ben, c'est correct, certain. Mais je peux pas te compter de menterie, là. Je réécouterai pas ça ce soir. Bon, c'était plate. Demain. OK. Vas-y, mon ami. Def Leppard avec l'album High and Dry, apparu en 81. On a entendu No, No, No, tout juste avant. No, no, no, no, no, no, no, no, no, c'est tout pour c'était pas pour rire, pas tout. Bah, mais si tu le dis, grand-mère, fais-toi une idée, par exemple. On a eu la pièce High and Dry, Saturday Night et Let It Go. Let It Go, c'est, je te dirais honnêtement, c'est la première pièce sur laquelle j'avais accroché cet album-là. Ouais, c'est un très bon album. Ouais, ben l'album, je dis pas un bon album, là, ah, mais la pièce t'as mis. Ben c'est correct, c'est correct. Écoute, qu'est-ce que je te raconte de plus? J'aimerais ça que tu reviennes plus à l'émission, finalement. D'accord. Ben, t'as pris plus 50 km aller-retour. Même 70 km. C'est-tu vrai? Oui. Ben oui, t'as raison. Oui. Ah, Drummondville, c'est la ville la plus grande du Québec. Oh boy, la semaine prochaine, Sinistro, c'est moi. Ah oui, en passant, je vais le valider à l'instant, là, pour être certain. Oui, la semaine prochaine, il ne restera que 4 émissions de réanimation avant la pause estivale. Ben, que voulez-vous, hein? Toute mauvaise chose à une fin, je suppose. Effectivement. La semaine prochaine, émission du 1er mai, Sinistro, c'est moi, vous présenterons respectivement Magister Dixit. Ok, oui. Et l'album Their Blood, Their Sweat, Their Tears. Et moi, je vous présenterai la formation Skeletal Remains et l'album Devouring Mortality que j'ai beaucoup aimé. Mais que je n'ai pas écouté encore. Ben, tu pourras le faire avant mardi prochain. Je vais essayer. D'accord. Et n'oubliez pas que cette semaine, ce vendredi, pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est Rock Classique accompagné de mon ami, le Rockmaster René Lefebvre. Et cette semaine, j'y serai. Et le Rockmaster a promis une programmation qui devrait me rendre un petit peu zinzin, voire probablement très peu content de ses choix musicaux. Ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir l'occasion de m'entendre chialer. Fait que donc, pour les amateurs de folk rock, ils ont juste à syntoniser une autre station. Et voilà, tout à fait, absolument. Rock Classique de 11h à 17h, ici même à 89.1 FM, c'est fou. Et cette semaine, c'est l'émission de notre ami Tower. DJ Tower of Death et Subversion sur SoundCloud, podcast sur SoundCloud. Et, baf. En fait, je suis pas sûr, enfin, je l'annoncerai pas tout de suite. Voilà. On va continuer musicalement cette fois-ci avec une formation. Bizarroïde. Ouais, faut le dire. Formation qui a débuté dans un champ beaucoup plus black metal, qui a bifurqué. Je dirais... Vers un black metal. Non, pas j'espère. Non, ça aurait pas été mon choix. À la mi-2000, vers un métal extrême symphonique. Je parle de formation de Grèce, Septic Flesh. Je vous propose mon choix d'album marquant pour ce mois-ci, qui est le 7e album de Septic Flesh, soit Communion, qui est paru le 17 mars 2008 sous étiquette Season of Mist. C'est un album que j'ai vraiment beaucoup apprécié lorsque j'ai découvert, que j'apprécie toujours autant aujourd'hui. Force de frappe, hein? Ah, totalement, totalement. On a eu le plaisir d'aller voir il y a un certain nombre d'années en spectacle et c'était vraiment très puissant. Oh, oui, c'était oui, vraiment oui. Impressionnant. Donc, je vous propose 4 pièces de cet album qui sont respectivement celles que je préfère, Lovecraft's Death. Tu c'est la deuxième que je préfère. Anubis? Oui. D'accord, on va l'entendre. On va avoir la pièce de Communion et Babel's Gate, Septic Flesh. Go! Non, je suis pas correct, Sinistro. Non, on a oublié d'aller d'expliquer quelque chose de très, très important. On allait oublier d'aller un peu aussi. Oui. Mais vas-y. Mais sur ce... Allez, tout. Mais non, on va revenir en ordre. Tu reviens, toi? Ben oui. Oh. T'es fronté comme ça. Oh. On va un peu plus okay. En pause. De Psytrance au monde de la décennie, Infected Mushroom s'arrête au cabaret de l'amphithéâtre Cogeco le 27 avril pour une expérience sonore et visuelle à couper le souffle. Réservez vos billets maintenant au amphithéâtrecogeco.com. Hey man! Ouais. Est-ce que vous avez-tu besoin d'aide? Connais-tu, c'est fou? Mais hein, que je connais ça. De ACDC à ZZ Top, en passant par les Beatles. Parfait! Mais il y a. Y a qu'une chose que tu sais pas. C'est que toi aussi, tu peux animer assez fou. Étudiant ou pas, l'expérience n'est pas nécessaire et la formation est incluse. Je savais pas ça. Le formulaire, les informations. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Sur cfou.ca. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 95.fm. Vous êtes à CFU pour l'écouter. 89.1. Hi, this is Seth from Septic Flesh. You are listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM. Wow! Ça, tu vois, c'était bon. Ah oui. Je t'astinerai pas que tu... Ouais, t'as ce qualité-là. T'astines pas trop. Moi, je suis capable de voir quand... Mais ça... Ouais. Je suis capable de voir quand quelqu'un a raison. Mais Star Wars, t'as pas raison. Septic Flesh, formation de Attica en Grèce, et Katia Union, qui est paru le 17 mars 2008 sous étiquette Season of Mist. Septic Flesh qui existe depuis 2003 sous ce nom. Formation qui, ben c'est un quatuor, qui donne dans un métal extrême symphonique et qui ne se gêne pas pour utiliser la technologie pour tout ce qui est... Septic Flesh existe depuis plus longtemps que 2003. Non, ben en fait, oui, mais j'ai dit sous ce nom, parce qu'il existe depuis 90, mais... Mais il s'appelait Septic. Ah oui, en deux mots, t'as raison, en deux mots. Ils sont appelés Septic Flesh. Oui, Septic Flesh. C'est ça, c'est vrai, t'as raison. Qui ne se gêne pas pour utiliser la technologie, parce qu'on l'a vu, ils le font autant en enregistrement qu'en spectacle. Les overdubs, ben moi, je trouve que ça fait un super travail. Donc, les pièces étaient, à l'instant, Babel's Gate, c'était précédé de la pièce-titre Communion, Anubis, qui semble-t-il est la préférée de l'album de Sinistros, et en ouverture de bloc, ma préférée, Lovecraft's Death. Ben, il est 21h, on vous dit à la semaine prochaine. Sur ce. Ben, sur ce quoi? Ben, allez tous vous faire foutre. Hey, t'es pas poli, toi. Je sais. On le sent encore. D'accord. Allez tous vous faire foutre. See you.